Bonsoir, chers toutes. Bonsoir. Bonsoir, chers toutes. Bonsoir. Ah, ah. Bonsoir. Bonsoir, chers toutes. Bonsoir. Veuillez accueillir ici, mais entre nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes où là? Bonsoir. Alléluia. Gloire à Jésus, maman. Tu attends, tu as quelle gloire? Tu restes dans l'obscurité avec elle. Non, non, allez dans la lumière, allons d'abord dans la lumière. Mm. Et venez toutes ici, je vous explique. Amen. C'est parce que beaucoup de personnes sont allées du côté du deuil. Le deuil, comme je vous ai expliqué, le deuil de l'autre côté. Donc vous avez appelé quand j'ai demandé la batterie pour partir déjà. Veuillez prendre place ici. Messieurs et dames. Bonne arrivée. Vous avez fait comment? Tu vois, ouais, on n'a plus de bébé à la maison, donc on peut même dormir ici, non? Viens saluer alors, voilà mon premier fils là. Viens saluer. L'autre, la fille, André, dormi. La fille dort. Oui. Dis comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Oui. C'est Zéki. C'est Zéki. C'est Josué Ruben Nemlama, c'est pas fini. Quand tu parles, viens. Dis bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Josué. Ruben Nemlama. Voilà. Nemlama. On est où comme ça? Non, c'est pas comme ça. Non, ça c'est un consamba. Non, c'est un consamba. Ça c'est là, c'est ici que j'ai fréquenté. Il fréquentait ici. Tu n'étais pas encore né. Non, moi j'étais grand. Grand où? Va voir. Va t'asseoir. Bonsoir. Bonsoir. Les autres sont où? Non, il y a des autres qui sont là-bas. Venez, vous explique quelque chose parce que je ne sais pas comment on va faire. Venez. On fait une petite réunion là-bas. On passe n'importe quoi. Passe à mon cher. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Vous toutes qui sont dans la chambre, bonsoir. Bonsoir. Maman vient. Voilà ma mère. Bonsoir. Encore. Tu es toujours avec le sac. Tu veux venir, je vais vous expliquer quelque chose. Vous ne voulez pas connaître qui je suis? Alors. Alors voilà. Maman vient aussi. Le vieux commence à faire quoi? Viens d'abord. Oui, voilà, viens te mettre ici. Comment tu fais ça? C'est toi qui fais ça. C'est que ça va te donner après, never be ashamed. N'est pas honte. Viens ici, tu te caches. Tu ne sais pas où je suis sorti pour que tu me maries. Viens voir. Viens accueillir ta mère là-bas. Bonsoir et bienvenue en consamba. Je vous présente ma mère, Maman Célestine. Elle était de l'église évangélique. Je suis venu prêcher ici. Après, elle est regardée. Vous savez, je suis venu aujourd'hui dans la chambre. Elle m'a dit que j'espère que ce que tu dis souvent là, il n'y a plus ça encore sur toi. Parce que quand tu dis que je ne suis pas, ça arrive. Elle dit que quand tu viens dire qu'on va encore, qu'on t'a chassé, quelque chose. Dis-moi un peu. J'étais à l'église évangélique. J'étais en haut. Jusqu'à. Je savais qu'il y a encore quoi. Je savais qu'il y a encore quoi. Je savais que quoi. Enfin, un jour, le frère dit que tu vas t'excommunier. On va. Ou bien que les gens vont faire ça. On va te persécuter. Dis que persécuter, c'est quoi? Excommunier, c'est quoi? Pardon, ça, on en parle un peu. On va un peu comprendre. Ça, il part. Il part. Persécuter, comment c'est bien arrivé? Il faut partir, ça. les hommes avaient les haches, les femmes, les enfants. Il a fait une dit gloire à Dieu, il dit gloire à Dieu. Il dit que les gens sont venus au Dieu, tu dis gloire à Dieu. Et tu m'as fait le frère de Dieu, on me met devant les pieds, on m'a amené le Dieu. Et mon Dieu, il s'en est tout. C'est la série du pays que ça laisse. Tranquille. Et quand je reste que ça, ça veut dire que le Christ voyait déjà où je partais. Que tant que tu as la lumière en toi, tu ne peux plus vivre dans le pays. Amen. Alléluia. Wow. Mais c'est parce que vous dites. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et quand Dieu veut, tu ne peux rien. Amen. Je crois que c'est fort. C'est fort. Dieu était là-bas, il va le cacher. Comme mon fils, il est souvent. Il me dit qu'il y a un homme qui est assis là-bas dans ton salon. Il a collé les pieds comme ça. Quand tu montes, tu te vois. Tu dessines, tu te vois. Dieu avait un plan pour moi. Il dit qu'il est sorti de l'église. Il est sorti dans le monde. Il est venu au milieu des enfants. Je suis fier de lui. Alors, on ne peut même pas parler. Amen. Vous savez, il y a j'ai un ami qui est venu à la maison il y a quelques jours. Il me regarde comme ça. J'ai un autre ami qui avec qui on a fracassé sans consabat. Sa maison est tout juste au marché, à côté de là où il y a le deuil. Donc celui-là, il me regardait comme ça, quand il est venu à la maison, l'autre jour, il dit, ton ami là m'a raconté comment tu souffrais, comment tu as vécu, comment vous viviez, même à l'université, d'un consamba jusqu'à l'université. J'ai dit, justement, j'aime quand les gens rencontrent des gens qui me connaissent, dès le départ. Parce qu'on voit seulement là, quelqu'un commence à parler, on ne sait pas d'où il sort. Voici là où je sors. Donc voici les gens donc, qui peuvent voir ma vie, comment c'est-à-dire qu'on mangeait la banane et autres. Encore les personnes qui connaissent encore ma propre vie, les voici, les deux ici. C'est pour ça que je voulais que vous l'accueillez de façon officielle. Applaudissements. Donc, vous m'entendez dans les enseignements. Un jour, j'avais dit que quand j'habitais avec ma tante ici, elle est décédée. On n'a pas de champ ici. On est allé aujourd'hui à la maison pour les voir. J'ai dit à ma femme qu'allons voir là où j'habitais. Il y a les photos là-bas, elle va vous les montrer. J'ai dit, allons voir là où je sors. On est allé là-bas, ça faisait 15 ans. Je n'étais plus allé là-bas. Donc, je ne savais pas comment le quartier se trouve, comment il y a la maison. Donc, eux, quand ma tante avec qui j'habitais était morte, je m'enfermais dans la maison. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Je restais là à l'intérieur, comme ça. Là, je n'étais pas encore chrétien. C'est elle qui a quitté un jour. Je ne brûlerai jamais ce jour-là. Elle est venue. Je crois qu'elle avait envoyé l'enfant. Elle peut bien dire l'événement. Ce sont des événements qui ne peuvent pas me quitter. Elle est venue toquer, pom, pom. Elle dit, tu es encore dans la maison, je suis sorti, il y avait un pyjama bleu, n'est-ce pas? Avec le chat. Viens, maman, viens, lève-toi. Parle bien comme ça, comme ça. Tout ça, c'est le médecin avec qui on est du Yaoundé, des Douala, ceux des Yaoundé sont avancés au deuil. Mm-hmm. Raconte tout ce que tu connais. Le passé est passé, non? Non, c'est pas passé. C'est bon, vous voulez savoir, on voulait savoir. Il y a un qui veut savoir. C'est son mari ici. Mon enfant, il a beaucoup souffert quand sa mère est partie. Donc, il était dans le temps avec moi. Donc, je le supportais. De temps en temps, je partais le regarder. Un jour, il s'est fermé dedans. Je rentre aussi au champ. Il ne faut pas, je ne sais pas moi que dedans. Mais je disais que peut-être il est parti au cou. Parce qu'on appelait que je retais. Je disais que je retais. Mais après, il dit, il tourne la porte. Il dit, tu es encore dedans. Il dit qu'il est dedans. Il dit qu'il y a quoi? Il est dit, je quitte encore le pas. Après, je reviens. Je ne peux pas me tuer en moi. Il mange là, demain, maman. Il sort maintenant, il reste là. Donc, c'est un enfant que je ne peux même pas raconter comment il s'allait. Raconte. Je veux raconter comment il s'allait. Je ne veux pas. Il faut de vous raconter la vie. Ça fait que ça fait quand même 15 ans. 15 ans, c'est pas facile. C'est pas évident. Donc, 15 ans en arrière, en ce temps, j'étais au lycée et je ne partais même pas au cours. Parce que personne... Il ne partait même pas au cours. Mais on l'appelait que du retour. Parce que c'était un gars qui était très fort. Il était très fort, il était deux, avec Innocent. Mm-hmm. C'est Innocent, non? Innocent, oui. Mm-hmm. Les maisons étaient toujours à côté. À côté, toujours. Lui, il enseigne. Innocent était professeur, lui, il était directeur. Il est à Bamenda. Voilà. Travail ou bien intellectuellement? Intellectuellement, maman. Il était très fort. Il n'y a pas de raconter qu'à toi. Et là, elle m'a raconté, rappelé quelque chose que j'avais dit 15 ans. Vous savez, quand vous êtes appelé de Dieu, je vais vous raconter maintenant deux choses, une de ce qu'elle a dit et une autre que j'avais dit dans ce moment-là. Un jour, quand j'étais, souvenez-vous, je n'étais pas encore chrétien, c'est dans cette maison, je vous avais dit un jour, je suis sorti parce qu'on avait été à la maison quand j'apprenais, je suis sorti, j'ai montré à mon épouse la position où j'étais. J'ai mis ma main, comme ça, j'étais en train de reparler que, oh, si j'avais aussi mes parents, propres parents, et puis je ne serais pas comme ça. Une voix a parlé dans le ciel. Je lui ai montré ma position exacte. Que tu es sur la terre pour un événement qui va se passer sur la terre pour un but bien précis. Bientôt, ça va commencer sur la terre. Quand cette voix a parlé à ma droite, j'ai remarqué. Trois étoiles s'est positionnées comme ça à ma droite. Elle a dit que regarde ces étoiles-là. Tant que ces étoiles seront positionnées là-bas, tu seras toujours sur la terre. Donc quand ces étoiles vont quitter, je vais vous dire au revoir. Vous entendez cela? C'est dans cette maison-là, j'ai montré la position à ma femme. Et là, cet événement, elle m'a souvenu, ma maman m'a rappelé un événement que je lui avais dit. J'étais sorti un jour de la maison parce qu'en ce moment-là, je ne mangeais pas. J'étais là comme ça, dans la maison. Mes amis, puisqu'ils n'avaient pas payé le bac, j'ai fait le bac étant à la maison. Mes amis allaient fréquenter, venaient, quand ils faisaient des exercices, on faisait des exercices à la maison. Alors, lorsque ça s'est passé, un jour, je lui avais dit quelque chose par rapport à une voiture qu'il devait venir avec. N'est-ce pas? Il dit que ça va pas 2 semaines. Oui. 2 semaines, j'ai pensé à lui, j'ai dit que. Et lui m'avait dit que. Mado, la souffrance qu'on a vécue comme ça. Un jour, tu vas rester là-bas, je vais savoir la voiture, je mets là-bas dehors. J'ai dit que retirez ça, vous mettez dedans. Aujourd'hui, il est venu à la maison, j'ai pas rempli la voiture, quand il est trouvé en route là. Parce que tout d'abord, quand il rentre au champ, on m'a appelé. J'ai pris le téléphone. Ça s'est arrêté. C'est ça, oui, maintenant, je vais voir en route avec le père et mon père. Je vais voir. Le père demande que c'est qui. Ok. Ce n'est pas Elie. Il croyait que c'est lui qu'on a fait, hein. Il dit que c'est pas Elie ici. Ok. Quand il est revenu encore, il dit que non. Ça fait 2 semaines que le gars, il m'avait dit quelque chose. J'ai rappelé ça l'autre jour. J'ai dit, mon frère. Donc, 2 semaines, je t'ai rappelé de ce que tu avais dit il y a 15 ans. 15 ans. Je ne sais pas chrétien, il veut venir à la voiture, il veut venir devant ta maison. Et je suis avec la voiture. Oui, n'est-ce pas? Or, là, je suis dans la souffrance. Je suis seul à seul à l'intérieur. Mais le Seigneur Jésus me connaissait avant. Amen. D'accord? Je vous présente officiellement mes parents qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu souffrir. D'accord? Quand les autres personnes te voient aujourd'hui, ils voient avec la voiture, ils disent que. Regardez les enfants, vous voyez comme ça que c'est sûr qu'il a mis la main quelque part. Il ne tape pas quelle occasion à l'œil. D'où tu sors? Je suis content qu'on soit témoin de. Je ne cache pas, il y a des gens qui ont fréquenté ma. J'ai encore une fois dit que parce que quelqu'un avec qui il fréquentait, pose la question. Comme ça, tout le monde sait de quoi il est question. D'accord? Vous avez vu donc? Si on avait du temps, on serait allé là-bas à la maison. Mais il y a la photo là-bas que vous pouvez voir. Vous allez voir la maison là où j'ai grandi. Et je vous dis, cette position-là, la voix a parlé ce jour-là. Il a parlé à ma droite en haut, il dit que tourne-toi. Je me suis tourné, j'ai regardé 3 étoiles se suspendaient là-bas à ma droite. Il est situé sur la terre pour quelque chose. Ça va bientôt. Ça, je ne suis pas chrétien. Quand je me suis tourné ce soir-là, les pensées de mourir ou là-bas étaient terminées. J'ai gardé cela dans mon cœur jusqu'à ce que le moment est revenu. Il a dit que le moment est arrivé, il va faire l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez donc les accueillir. Comme vous dites. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous êtes témoin des gens qui m'ont vu grandir. Vous êtes le passage en constat, vous pouvez venir ici, votre maison. Comme Amen, elle a dit. Donc, c'est une veuve, prenez son numéro. Je veux que chaque personne prenne son numéro. Souvenez-vous, c'est une veuve. Et depuis que son mari est décédé, on était Ce jour-là, je me suis bien connecté. Il peut parler de cet événement-là. Il peut parler de cet événement. Ça ne doit pas choquer, non? L'événement de la mort. Je me souviens bien de cet événement. Maman, la mort de son époux, quand on était invité, a été un choc. Un choc parce qu'on était allé, je crois, à un entraînement à Manjo. À Manjo avec son mari. Son mari travaille à Camtel ici, là. À télécommunication, Camtel, quelque chose. À Camtel. On est allé à Manjo pour enterrer quelqu'un. On rentre ce jour-là. On est rentré, son grand frère, à Manjo. On est rentré, je suis rentré à la maison avec mon ami. On dormait. Parce qu'on avait, on avait dansé là-bas ce jour-là. Dansé, on est rentré tard. Je me souviens chaque minute de ce moment-là. Je reviens, mon ami vient toquer à la fenêtre. Tom. Il donne brusquement la nouvelle. Il dit que le père de tel est mort. J'entends, je dis à l'église, c'est comme s'il révélait seulement de nous dire quoi? La personne avec qui on était hier soir est décédée. Comme nous sommes là pour nous. Et même quand, malgré qu'ils aient fait l'accident, c'est dans l'accident de circulation quand son mari rentrait. Elle était dans le coma durant tout le temps que son mari est mort sur place, elle était dans le coma. Donc elle a souffert et Jésus l'a relevé. C'était même difficile qu'on lui annonce le deuil de son mari étant alité. C'est Jésus qui l'a soutenu jusqu'à maintenant. Donc souvenez-vous, c'est une veuve. Elle est restée comme ça là. Donc le Seigneur a le regard sur vos cœurs maintenant. Amen. Dans la façon dont vous allez la traiter et plus tard. Amen. Vous ne direz jamais devant le Seigneur que vous ne connaissez pas. Voilà une veuve qui est restée comme ça mariée à Jésus. Amen. Donc prenez son numéro. Regardez quand vous avez le temps de visiter là. Quand vous allez vous mettre quelque chose à cœur pour faire pour elle, faites-le. La Bible déclare dans ce livre de Jacques que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à assister les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Donc on va revenir tout à l'heure, on va venir à demain, on va aller comment. Que Dieu bénisse. Merci. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Maman, il dit, c'est vrai comme ça, on fait vite, on mange. Bonne arrivée en Consamba. Bonne arrivée chez moi. Bonne arrivée. Ça va? Tu es contente? Maman, tu parles encore où? Tu parles encore? Tu es contente déjà? Elle est toujours contente. Elle est toujours maman, elle est toujours joyeuse. Elle a commencé chez moi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Roi des rois, est seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre Sauveur personnel a promis de ne pas nous laisser seuls. Selon qu'il est écrit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie. So Amen.